Hello, baby. Le yoy! Pew? No, no, not Pew. Le Pew. Pepe Le Pew is my name. Ah, que Paris était bien chouette quand il y avait Pepe Le Pew. C'était un sconce hyper génial. Oui, c'était un bon copain. Il faisait des bonds dans les rues, courant après les skunkettes. Mais à chaque fois, il se gourait. C'était un chat avec de la peinture. C'était un sconce qui s'appelait Pepe Le Pew. Morbleu. Qui draguait bien, il les draguait à tour de bras. Comme tu le vois. Comment? Comme tu le vois, tu rabras. Hey! Quel est-ce? Ah, des petites femmes skunk. C'est rendez-vous, non? Vive l'amour! We die together! Je le voyais rue de la Roquette. Il recherchait l'âme sœur. On l'a vite sympathisé. Il m'expliquait comment il draguait les filles. C'était un vrai professionnel. Mais il avait un inconvénient. C'était son parfum de naissance qui venait pas de chez Gauthier. C'était un son qui s'appelait Pepe Le Pew. Morbleu. Il draguait bien les poules, il les draguait à tour de bras. Et toi ça va? Comment? Et toi ça va, Sistas? I find thee, my little pigeon. Fly with me to Paris. Quelle est? Ah, les belles femmes skunk fait-elle. Puis un jour il partit au loin dans les Amériques, dans les studios de la Warner, il a planté là notre héritage. Puis un jour il partit au loin dans les Amériques, dans les studios de la Warner, il a planté là notre héritage. C'était un son qui s'appelait Pepe Le Pew. Morbleu. Il draguait bien les poules, il les draguait à tour de bras. Comment vas-tu? Comment? Comment vas-tu, Yod Poil? Où les chantez-vous, les entraînez-nous? Oh. Et les très bien voulez-vous? Château douce et château triste. Even more so when we hear. She was in the, she was in the moon.